Je lève mon fer à toutes les mères qui toujours protègent malgré la peur instaurée par les pères. Jamais ne perdent de vue l'essentiel, ce petit être, un amour qui perdure, l'essence même de leur bien-être. Je laisse ma plume s'occuper du reste, car aucun mot ne résumera ce que de cœur ont dans la tête. Une passion qui s'entête au détriment d'une vie amère. Rien ne vaut le geste entre un enfant et sa petite mère. Elle est mon souffle, ma seule raison d'y croire, et je souffre à l'idée de ne plus jamais la voir. Sans l'admettre responsable de ce qu'il y a de bon en moi, je n'ai ni Dieu ni maître dans cette fable, mais une reine sans roi. Plus de haine sans quoi, son cœur s'assèche, renonce à l'allégresse en espérant qu'un jour ses larmes sèchent. Et tant pis pour le reste, elle suit son instinct maternel, vivra pour ses gosses, car seule la mort est éternelle. Je suis fier d'elle, mais l'est-elle de moi? Car je la fais souffrir depuis que je sais compter mes doigts. Quand l'insouciance s'immisce dans ce chemin de croix, devient la conscience de son fils qui t'a perdu la voix. Ne perds pas l'espoir qu'elle insuffle au sien, pas une question de gloire mais d'une vie digne au quotidien. Se bat contre un destin quand moi je me traîne vers la trentaine. Ma mère est une sainte, je ne suis que l'ombre de ses peines. Je lève mon verre à toutes les mères qui toujours protègent malgré la peur instaurée par les pères. Jamais ne perdent de vue l'essentiel, ce petit être, un amour qui perdure, l'essence même de leur bien-être. Je laisse ma plume s'occuper du reste, car aucun mot ne résumera ce que de cœur ont dans la tête. Une passion qui s'entête au détriment d'une vie amère. Rien ne vaut le geste entre un enfant et sa petite mère. Il est évident que j'ai de la chance, je n'ai aucun mérite si ce n'est peut-être en être conscient. La bêtise est constante, atteint le firmament quand ces mères d'eux insultent une femme qu'ils ont appelée maman. Provoque par moments, finit souvent par des menaces. Rien de grave, la patience va s'avérer tenace. Et quoi qu'il se passe, elle aimera, protégera, martèlera au monde entier que son homme n'est pas ingrat. Veut éviter les drames, squattant le pas de sa porte. La pertinence se barre quand les sentiments l'emportent. Peu importe, la vie est courte, elle fera en sorte que l'avenir soit doux, simplement pour que ses gosses s'en sortent. L'amour n'est pas mort, vit dans le cœur des femmes. Chaque bonhomme prie que jamais ne fane cette fleur qui s'élève sur un tas de crasse. Les vrais savent que seule sa confiance provoque l'état de grâce. Je lève mon verre à toutes les mères qui toujours protègent malgré la peur instaurée par les pères. Jamais ne perdent de vue l'essentiel, ce petit être, un amour qui perdure, l'essence même de leur bien-être. Je laisse ma plume s'occuper du reste, car aucun mot ne résumera ce que de cœur ont dans la tête. Une passion qui s'entête au détriment d'une vie amère. Rien ne vaut le geste entre un enfant et sa petite mère. Et si l'homme s'acharne à la mettre à l'épreuve, elle ne baisse pas la garde et j'en veux pour preuve. Ces soirs où elle surveille pendant que le bof s'abreuve, ces nuits où elle veille pendant que son gosse œuvre, à la faire vieillir de quelques heures, ses quelques cheveux blancs comme conséquence à sa plus grande peur, que ce qu'elle aime parte avant qu'elle-même ne meure. Pour elle, on calme nos envies de grandeur. Ne plus briser son cœur, avoir un peu de courage. Ne plus se cacher derrière l'enfant qui a la rage. Elle le mérite et je n'y vois que des avantages. Si dans ta vie ce n'est pas le cas, ne tient qu'à toi d'écrire cette page. Plus de partage, de sagesse, de sentiments. Personne ne peut construire sa vie sans ciment. Elle est mon socle, la raison de cet engagement. Et si comme moi tu l'aimes, alors dis-lui je t'aime maman. Je lève mon verre à toutes les mères qui toujours protègent malgré la peur instaurée par les pères. Jamais ne perdent de vue l'essentiel, ce petit être, un amour qui perdure, l'essence même de leur bien-être. Je laisse ma plume s'occuper du reste, car aucun mot ne résumera ce que de cœur ont dans la tête. Une passion qui s'entête au détriment d'une vie amère. Rien ne vaut le geste entre un enfant et sa petite mère.